Génération Yasika, Esi Eboya Rumba, Elingise Kavachama, Bisengo. Biso Tobina Kichachacha, Mambo Tango na Bolero, Bana Yambula Oyo Mama, Sekaneton. Allez-moi, Caneton, Malembement, Caneton, Malaisement, Caneton, Malembement. Basi Yambula Yakala. Lata jupon na zigida, bana yambula oyo mama, zambala. Buka buka mapeka, buka buka loketo, bisengo ya bilenge mama, moko nyonyo. Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse Mokonyonyo. S'égaye avec Ekonda Sakade. Yambula yakala, balata jupon na zigida, bana yambula oyo mama, zambala. Buka buka mapeka, buka buka loketo, isengo ya bilenge mama, moko nyonyo. Aguaya, washa washa, Fiona Fiona, dindon griffé, mon bombo, volant, Toyo Motors. Kolokwanga, Siatapata, libération ya sika et si ebo ya rumba et lingi se kavacha mama oyo bisengo biso tobina ki cha cha cha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama se kaneton Caneton, malaisement. Caneton, malaisement. Caneton, malaisement. Caneton, malaisement. Caneton, malaisement. Caneton, Caneton, malaisement, hein, caneton, malaisement, caneton, malaisement, allez, caneton, malaisement, caneton, malaisement, caneton, malaisement, caneton, malaisement, hein, caneton, malaisement, allez, caneton, malaisement, en avant, caneton.